La chasse aux œufs par Horace Van Hoffel. Il y avait une fois un coq qui aimait tellement sa poule que la vue d'une autre poule le mettait en mauvaise humeur. Il y a peu de coqs comme ça, je le sais bien, mais si l'histoire n'était pas extraordinaire, elle ne vaudrait pas la peine d'être racontée. La poule, et cela aussi c'est rare, mit au monde un seul poussin. Le poussin eut une enfance quelconque. Rien au début ne révélait son génie. Il trottinait de ci de là et venait se réfugier de temps à autre sous l'aile chaude de sa mère. Il grandit et de poussin devint poule. La nouvelle poule se lia avec un jeune coq qui était né sur la butte Montmartre, au milieu des muses, des poètes et des joueurs de guitare. Un jour, elle fut prise d'un malaise. Elle avait comme quelque chose qui montait et qui descendait. Elle pleurait. « Toc, toc, toc, toc, toc !»« Ce n'est rien, » dit ma mère. « Tu vas faire un œuf. »« Toc, toc, toc, toc !» En voilà-t-il une affaire de pleurer comme ça pour un petit neuf? Nous passons toutes par là. J'en ai pondu plus de 1000, moi, des œufs. Allons, pousse. Toc, toc, toc, toc. Oui. Et voilà que notre poule pond un œuf d'or. Malheureuse! S'écria sa mère. Veux-tu cacher ça? Si le fermier savait que tu fais des œufs d'or, il te couperait le cou. Est-ce que tu ne pouvais pas pondre comme tout le monde? Je vais le dire à ton père. Le coq s'approcha. Il était en colère. « Qui est-ce qui m'a fichu une fille comme ça ? » chanta-t-il en oubliant que c'était lui. « Des œufs d'or ! Je ne veux pas qu'on ponde des œufs d'or dans ma famille. C'est de la littérature. Va-t'en et sois maudite !» La jeune poule s'éloigna en versant des torrents de larmes. Mais à la tombée du soir, le fermier entra dans la basse-cour. Il découvrit tout de suite cet œuf d'or, et dès qu'il l'eut pris, ses yeux devinrent féroces. Il s'en alla et revint avec un grand couteau. Et ce fut un horrible massacre. Toutes les volailles de la ferme furent égorgées, y compris maman poule et son coq fidèle. Voilà ce que c'est que d'avoir une fille qui ne ressemble pas aux autres. Le fermier, n'ayant pas découvert ce qu'il cherchait dans les entrailles palpitantes de ses victimes, se mit à réfléchir. Il remarqua soudain que la jeune poule manquait à l'appel. « Où donc est la petite poule ?» se demandait-il. « Je suis sûr que c'est elle qui a fait le coup. » Et voyant la jeune poule nulle part, le fermier prit une lanterne et un bâton, et se mit à sa recherche. Cependant, la pauvre poule traquée fuyait en compagnie du petit coq montmartrois, son voisin. Il courait éperdument. Sur la route, ils faillirent être écrasés par une automobile. Puis ils pensèrent se noyer dans une mare. La nuit devenait de plus en plus noire. Au-dessus de leur tête, dans le ciel, brillait un œuf d'or colossal. « C'est bien peut-être le bon Dieu qui l'a pondu, » se dit la jeune poule. Voilà pourquoi les hommes l'ont assassiné. Car les bêtes savent que les hommes ont tué le bon Dieu. C'est même depuis ce temps-là qu'elles ne veulent plus parler avec eux. Mais la lanterne du fermier approchait. Les sabots de l'homme frappaient le sol avec un bruit de tonnerre et on entendait crier, blasphémer effroyablement. Le petit coq et la poule galopaient comme le vent. Ils franchissaient des fossés, traversaient des haies. Dans un jardin, la poule fut reprise de son malaise. C'était de nouveau cette chose qui montait et qui descendait. « Toc, toc, toc, toc » fit-elle. « Bon, voilà encore un œuf !» grogna le petit coq. « C'est embêtant d'avoir tout le temps de l'œuf comme ça. Tu vas nous faire repérer. Allons, grouille, dépose ton œuf dans les bigonias ou le pot de fleurs, et filons, il est plus que temps !» Le fermier eut beau faire, il ne put jamais attraper la jeune poule et son petit coq, car le petit coq était malin. Ils auraient vécu sans inquiétude, n'eût été cette manie qu'avait la jeune poule de pondre un œuf toutes les 10 minutes. Bientôt, il y eut des œufs d'or dans tous les coins, au pied des arbres, dans le creux des sillons, des ornières, dans les buissons. Quand les hommes surent ça, ils devinrent comme fous. Ils délaissèrent le rabot, l'enclume, la charrue, pour ne plus s'occuper que de ces œufs d'or. Il en vint des coins les plus éloignés du monde. L'humble village où cela se passait se changea en ville, avec ses dancings, des bars et des salles de jeu. Les champs ne furent plus cultivés. On les divisa en lots pour la récolte des œufs, que les chercheurs d'or se disputaient à coups de couteau et à coups de brownie. Le pain devint très cher. Le fermier, désolé de ne pas trouver sa poule, s'en alla visiter Saint-Antoine, patron des objets perdus. Saint-Antoine le reçut très mal. « Méchant fermier ! S'écria-t-il, tu n'es pas digne de posséder cette bonne petite poule. À partir d'aujourd'hui, je la prends sous ma protection et nul ne trouvera plus ses œufs, à moins qu'il n'ait le cœur innocent. Quitte mon ermitage, que ta présence déshonore. » Le fermier se retira confus. Et depuis, il n'y a plus que les tout petits enfants bien sages qui découvrent encore des œufs d'or dans l'herbe en la saison des pâquerettes. C'était La chasse aux œufs par Horace van Hoffel.